Chapitre 39e. Archie fait ses adieux à Boodle. Le jour arriva enfin où les deux Clavering devaient s'embarquer sur le yacht de Jack Stewart. Le vestibule de l'hôtel de Berkeley Square était encombré de porte-manteaux, de fusils, de sioux pour la pêche. Les caisses de vin et de viande, les bouteilles de bière et les boîtes de poissons, et une grande boîte de cigares, avaient été envoyés par le train et embarqués d'avance. Hughes et Archie devaient quitter Londres à 5 heures de l'après-midi et coucher à bord du bateau où se trouvait déjà Jack Stewart. Le matin, Archie déjeuna et dîna le soir avec Boodle à son club. La journée se passa un peu tristement pour les deux amis, soit qu'ils fussent attachés par le récent échec d'Archie, soit à cause de certains pressentiments que leur faisait éprouver sa prochaine excursion sur le yacht de Jack Stewart. « Ce bateau-là, disait Boodle, n'a jamais eu de chance et je n'aime pas vous voir monter à son bord. » Archie répondit qu'il serait là pour piloter Jack Stewart et son bateau, et comme Boodle revenait sur ses sinistres prédictions, « Après tout, qu'importe, dit-il, on ne meurt qu'une fois. »« C'est tenter la Providence, » dit Boodle. Leur conversation roula ensuite sur Lady Ongar et Sophie. « C'est excessivement désagréable, » disait Boodle en parlant de l'échec de son ami, qui affectait de prendre la chose beaucoup plus froidement. « Ce qu'il y a de pire, c'est que je vous ai conseillé ces démarches. Mais c'était pour votre bien, mon garçon, vous n'en doutez pas. » Puis il revenait sur Sophie, comme si ce sujet avait eu pour lui un essentiel attrait. Il avait toujours prétendu être sorti triomphant de son entretien avec elle, mais néanmoins il parlait de cette femme avec un ton qui trahissait un effroi respectueux. « Sur ma parole, disait-il, c'est une femme étonnante. Croiriez-vous que je pense à elle quelquefois la nuit? Elle me tient éveillé sur mon honneur. Je n'en puis pas dire autant, mais je voudrais bien ravoir mes 70 livres. À votre place, je ne les regretterai pas. Ce n'est pas payer trop cher l'avantage d'avoir eu des rapports avec elle. Dans ce cas, vous devriez en payer la moitié. C'est vrai. Et si j'avais de quoi? Quand on pense qu'elle vous a pris vos billets dans votre poche de gilet. Elle m'en eût fait autant, mais elle avait affaire à trop forte partie. C'est une femme qui entend ses affaires, à coup sûr. Ce que je voudrais savoir, c'est si elle a oui ou non fait connaître à Lady Ongar vos démarches auprès d'elle. Je suis tenté de croire qu'elle l'a fait. Et qu'elle a pris mon argent par-dessus le marché. Parce que vous n'êtes pas monté assez haut, voilà tout. Mais c'est votre faute. J'ai suivi en cela vos conseils. Pardonnez-moi, ce n'est pas exact. Mais le fait est que vous ne pourriez pas monter assez haut. Peut-être faudrait-il à cette femme des milliers de livres sterling. Dieu, je n'oublierai jamais ses jurons et la manière dont elle s'est exprimée sur ma famille et sur le Warwickshire. Comment a-t-elle su que vous en veniez? Elle le savait. Tenez, j'ai mes idées sur cette femme-là. Quelles idées avez-vous? Je n'en ai encore rien dit, car je n'ai pas beaucoup à parler de ces choses. Je ne les comprends pas, et il vaut mieux ne pas m'en occuper. Enfin, que voulez-vous dire? Boodle avait un air sérieux et solennel en répondant. Je crois que cette femme est un médium. Comment? Un médium? Un membre de la secte des spirites? De Archie, dont les cheveux se dressaient sur sa tête. Mais que croyez-vous qu'elle ait fait? Comment a-t-elle su que votre argent était dans votre gilet et que je viens du Warwickshire? Dites-moi qui le lui a appris. Et puis, cette manière qu'elle avait de marcher dans sa chambre comme si elle allait être soulevée de terre. Pensez-vous qu'elle ait inspiré à Julie de l'aversion contre moi? Je ne saurais le dire. Il se fait aujourd'hui des choses si étranges qu'on n'y comprend rien. Mais je répondrai d'une chose, si vous n'attachez solidement cette femme avec des cordes, elle trouverait moyen de se dégager. Archie était frappé d'une terreur superstitieuse. « De qui croyez-vous qu'elle tire son pouvoir ?»« C'est là la question, » dit Boodle. « Est-ce du diable, pensez-vous ? » dit Archie en prononçant à voix basse le nom de l'esprit malin. « C'est fort probable. »« Après tout, cependant, ces gens ne vous font pas beaucoup de mal. »« Quant à mon argent, elle l'a eu sans le prendre. Je voulais le lui donner. » »« Il y a des gens, » reprit Boodle, « qui pensent que les esprits flottent constamment dans l'air. » Et il y a des médiums qui les attrapent et d'autres qui les manquent. Cela dépend de ce que mange et boit le médium, dit Boodle, et de sa disposition d'esprit. Les esprits ne s'adressent guère qu'aux gens fins et rusés. Vous n'avez jamais vu un grand personnage devenir médium. Pourquoi les esprits ne vont-ils pas trouver les ministres, les hommes d'État? Songez combien cela leur sera utile. Si les esprits viennent de l'esprit malin, ils ne sauraient faire de bien à personne. Les médiums sont toujours de pauvres diables qui viennent on ne sait d'où. L'espionne russe est une rouée, et j'ai lieu de le croire. Cela n'est pas douteux, dit Boodle. Mais ce n'est pas une femme respectable, reprit Archie. Et si j'étais un esprit, je n'irais pas trouver une femme qui porte des bas aussi sales que les siens. Quelle absurdité, Archie! Est-ce qu'un esprit se soucie des bas d'une femme? Je ne suis pas de votre avis, dit Archie. Le diable ne peut pas faire des choses comme celles dont vous parlez. Et quant aux esprits qui flottent dans l'air, je ne vois pas pourquoi il y en aura plus maintenant qu'il y a 24 ans. Tout cela est bel et bien, reprit Woodle. Mais ni vous ni moi ne sommes en état de répondre à cette question. Là-dessus, ils abandonnèrent ce sujet, et Woodle revint sur les dangers que présentait le yacht de Jack Stewart. Après le lunch, Woodle avait voulu faire ses adieux à son ami, mais Archie insista pour qu'il se rendît avec lui dans l'hôtel de son frère à Berkeley Square. Woodle avait objecté que Sir Hugh s'y trouverait. Il était bien connu qu'il ne faisait pas toujours l'accueil le plus gracieux aux amis de son frère. Archie répliqua que dans cette circonstance, il n'y avait rien à craindre. Dans l'entrain que lui donnaient les préparatifs de son excursion, Sir Hughes avait un peu perdu de sa brusquerie habituelle, et Woodle serait bien reçu. Sir Hughes, de son côté, avait passé presque toute la journée au milieu de ses fusils, de ses lignes et autres engins de pêche. Il devait quitter son hôtel à 4 heures et avait ordonné son lunch pour 3 heures. Il avait donné les instructions les plus précises relativement aux côtelettes d'agneau, aux asperges et à la bouteille de Lafitte qui devait les accompagner, mais qui était un trop bon vin pour le partager avec son frère. Comme il se trouvait à la porte de la salle à manger, comptant trouver ses côtelettes, il rencontra un domestique qui, d'un air un peu troublé, lui dit qu'une dame le demandait dans le vestibule. « Au diable, cette femme !» dit Hughes. « Elle vient d'arriver, monsieur, et dit qu'elle a le plus grand besoin de vous parler. Elle est entrée parce que la porte était ouverte et je n'ai pu l'en empêcher. Quel est son nom ?»« C'est un nom étranger. Elle a dit qu'elle ne vous tiendrait pas plus de 5 minutes. » Sir Hughes, après un moment de réflexion, décida qu'il affronterait l'ennemi et se rendit d'un pas rapide dans le vestibule. Là, il rencontra Sophie Gordeloup qui, s'élançant par-dessus les porte-manteaux, saisit le baronnet par le bras. « Sir Hughes, » s'écria-t-elle, « je suis bien aise de vous avoir trouvé. Vous allez partir et j'ai des choses importantes à vous dire. Il est heureux pour vous que je vous ai attrapé. » L'air de Sir Hughes semblait indiquer qu'il était loin de partager cet avis et il lui demanda la permission de la quitter pour aller à son lunch. Il ajouta que du reste, il n'avait pas l'honneur de connaître la personne qui lui parlait. « Vous allez prendre votre lunch, » dit Sophie, « et je vous dirai le tout pendant que vous mangerez. Je suis Sophie Gordeloup. Vous connaissez mon nom. Eh bien, c'est moi. Le comte Pateroff est mon frère. Vous avez entendu parler de lui. Vous connaissez Lady Ongar. Il a connu Lady Ongar. Je connais Lady Ongar. Nous connaissons tous Lady Ongar. Ah, vous comprenez maintenant que j'en ai long à vous dire. Il est heureux que je vous ai vu avant votre départ. Allons, mettez-vous à table et écoutez-moi. Mais faites sortir cet homme de la salle. » Sir Hughes fut tellement surpris qu'il ne sut que faire pendant un instant. Il avait souvent entendu parler de Madame Gordeloup, et quand Lady Ongar était revenue à Londres, un de ses plus grands tours à ses yeux avait été de fréquenter cette femme. Dans toute autre circonstance, il aurait fait mettre cette femme à la porte par ses domestiques. Mais il était possible qu'elle eût quelques confidences à lui faire au sujet de Lady Ongar. En ce moment même, il n'eût pas été fâché d'apprendre quelque chose de défavorable sur le compte de sa belle-sœur. Il entra donc dans la salle à manger et dit à Sophie de le suivre. Il ferma la porte et, tournant le dos à la cheminée pour s'éviter l'obligation de la faire asseoir, il lui dit qu'elle pouvait commencer. « Mais vous feriez mieux de vous mettre à table, » dit-elle. « Vous ne ferez pas attention à moi. »« Non. Si vous voulez bien me dire ce que vous avez à dire, je vous en serai obligé. Mais votre dîner sera tout froid. Pourquoi faites-vous attention à moi ?» « J'attendrai que vous m'ayez fait l'honneur de me quitter. »« Ah, vous autres Anglais, vous êtes toujours froid et cérémonieux. »« Lord Ongar n'était pas ainsi avec moi. Je l'ai beaucoup connu. »« Lord Ongar était plus heureux que moi. »« C'était un pauvre homme qui s'est tué à force de boire du cognac. »« Et d'autres choses encore. »« Mais passons là-dessus. »« Il est mort maintenant, et sa veuve a son argent. »« A-t-elle été heureuse ?»« Sir Hughes, je vais m'asseoir dans ce fauteuil. » »« Il n'osa le lui défendre. » « Et vous, Sir Hughes, ne voulez-vous pas vous asseoir aussi ?»« Si vous voulez bien, je resterai debout. »« Fort bien, comme il vous plaira. »« Comme je suis venu et m'en retournerai à pied, je désire m'asseoir. »« Maintenant, si vous avez quelque chose à dire... » reprit Sir Hughes, regardant les réchauds d'argent qui contenaient ses côtelettes et ses asperges. « Peut-être aurez-vous la bonté de le dire. »« Quelque chose à dire ? Oh oui, Sir Hughes, j'ai quelque chose à dire. »« C'est bien dommage que vous ne vouliez pas vous mettre à table. » je ne m'y mettrai pas que vous ne soyez parti. Ainsi, s'il vous plaît de continuer. » « Je continue. » « Peut-être ne savez-vous pas que Lord Ungar est mort dans mes bras. » Et Sophie, en disant cela, ouvrit ses deux grands bras maigres pour se donner l'attitude d'une garde malade qui soutient la tête d'un mourant sur son sein. Sir Hughes, pensant que cela avait dû être une faible consolation pour Lord Ungar, déclara qu'il ne connaissait pas le fait. « Ah, dit-elle, il paraît qu'il n'en a rien dit à ses amis. Elle a rapporté son argent, mais elle n'a rien raconté. Ainsi, je parlerai pour elle. » « Mais peu importe la manière dont il est mort, cela m'est parfaitement égal. »« Mais non, Sir Hughes, votre femme et sa sœur, Lady Ungar a demeuré chez vous avant son mariage, n'est-ce pas? Votre frère et votre cousin veulent tous deux l'épouser pour avoir son argent, n'est-ce pas vrai? Votre frère est venu me prier de l'aider dans cette affaire et m'a envoyé un petit homme du Warwickshire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que diable cela me fait-il ? Dit Sir Hughes, qui ne comprenait pas très bien cette histoire. « Je vais vous expliquer la chose. » Mais je voudrais vous voir à table pour votre dîner. Cela m'a presque ruiné. Je viens à Londres exprès pour elle. Pour elle encore, je vais dans cette maudite petite île de... Comment l'appelez-vous? Où elle m'insulte. Puis votre père, votre cousin et le petit homme du Warwickshire viennent à volonté me trouver chez moi. Mais qu'est-ce que cela me fait? Cria Sir Hughes. Cela vous fait beaucoup, glapit Madame Gordeloup. Vous voyez que je sais tout, tout, j'ai les papiers. « Est-ce que je me soucie de vos papiers? Écoutez-moi, Madame Gordeloup, vous feriez bien de vous en aller. »« Non, Sir Hughes, non, pas encore. Vous allez en Norvège, je le sais. Je serai ruiné avant votre retour. »« Est-ce que par hasard, vous oseriez me demander de l'argent ?»« Je viens demander ce qui m'est dû, Sir Hughes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je sais tout, tout. »« Oh, des choses, si on les savait, si on les publiait dans les journaux. »« Cette lady de Bolton Street perdrait tout ce qu'elle a. » Le jeune comte a des oncles. Je me demande ce qu'ils me donneraient, eux, pour avoir mon secret. Ah, ils ne me diraient pas de m'en aller. Sophie avait sans doute jugé le caractère de Sir Hughes d'après ce qu'elle connaissait de celui de son frère Archie. Mais elle s'était complètement trompée. Il n'y avait pas dans Londres un homme moins disposé que Sir Hughes à se prêter à ses vues. Non seulement il tenait trop à son argent pour le donner sans savoir pourquoi, mais il n'avait pas la faiblesse de certains hommes qui se soumettent à de paroles extorsions. S'il eût ajouté foi à son histoire et si Lady Ungar lui eût été chère, il aurait fait expulser cette femme par les agents de police. « Madame Gordeloup, lui dis-je, si vous ne vous retirez sur le champ, je serai obligé de vous faire mettre à la porte. » Il aurait même envoyé chercher un policeman sur l'heure, s'il ne craint de retarder son départ. « Comment ? » dit Sophie, dont l'énergie égale la sienne. « Me mettre à la porte, moi, qui osera me toucher ? Mon domestique, et si cela ne suffit pas, la police ? Allons, sortez. » Il s'avança comme pour procéder lui-même à son expulsion. « Eh bien quoi? Vous êtes là ?» dit Sophie, le voyant debout devant elle. « J'ai des choses importantes à vous dire et vous m'ordonnez de partir. Je n'ai pas l'habitude de m'en aller quand on me le dit ainsi. » Là-dessus, Sir Hughes agita violemment la sonnette. « Oh, je m'inquiète peu de vos sonnettes, de vos domestiques et de vos agents de police. Je vous ai dit que votre sœur me doit de l'argent et vous me dites « Sortez d'ici !» Eh bien, je vais sortir. » Le domestique entra, et son maître, d'un ton de colère, lui ordonna d'ouvrir la grande porte. « Oui, toute grande ouverte !» cria Sophie d'une voix glapissante. « Sir Hughes, je vais m'en aller, mais vous aurez de mes nouvelles » « Est-ce une menace ?» lui dit-il. « Non, pas une menace, c'est une promesse, et je sais tenir les miennes. Je sais tout. Votre pauvre femme, que vous tenez enfermée à la campagne, et votre frère, le capitaine, et son ami du Warwickshire. « Ah, les voilà !» Elle s'était levée et se dirigea vers la porte quand elle rencontra Archie et Boodle. Sir Hughes, qui n'avait rien compris à ce qu'elle disait sur le petit homme du Warwickshire, la suivit dans le vestibule et ne fut pas peu courroucé de voir son frère amener un de ses amis à un moment aussi peu opportun. Son dépit était si visible que Boodle aurait voulu être à 100 lieues de là. La présence de Sophie n'était rien moins qu'agréable en vaillant capitaine. Cette femme avait-elle le don de l'ubiquité pour qu'il la retrouvât ainsi, et précisément après avoir parlé d'elle le matin même ?« Comment allez-vous, messieurs ? » dit-elle. « Il y a tant de colis ici que je n'ai pas de place pour ma crinoline. » Elle serra la main à Archie d'abord, puis à Boodle, et demanda ce dernier pourquoi il n'était pas encore retourné dans le Warwickshire. Archie, saisi de frayeur, regarda son frère en face. Celui-ci savait-il l'histoire des 70 livres ? Sir Hughes restait interdit en voyant que cette femme les connaissait tous deux. mais se rappelant ses côtelettes, il tenta un dernier effort pour se débarrasser d'elle et de Boodle à la fois. « Voici mon ami, le capitaine Boodle, » dit Archie, en essayant de se donner une contenance. « Il est venu me faire ses adieux. » « C'est bien aimable de sa part. Voulez-vous laisser le passage libre pour cette dame ?»« Je veux la faire sortir de la maison, si c'est possible. » « Votre ami semble la connaître. Peut-être aura-t-il la bonté de lui offrir son bras. »« Qui, moi ?» dit Boodle. « Je ne la connais pas particulièrement. Je ne l'ai vue qu'une fois auparavant, une seule fois, par hasard. » « Le capitaine Boodle et moi sommes de très bons amis, » dit Sophie. « Il est venu chez moi et il s'est très bien comporté. Seulement, il n'a pas la main aussi large que votre frère, Sir Hughes. » Archie tremblait. Elle trembla encore davantage quand son frère, se tournant vers lui, lui demanda s'il connaissait cette femme. « Oh oui, » dit-elle, « il me connaît bien. Pourquoi ne venez-vous pas me voir plus souvent ? Vous m'envoyez votre ami, mais je vous préfère. » « À votre retour, vous viendrez me voir et tout sera réparé. » Elle ne partait pas néanmoins. Elle s'était assise sur un porte-manteau et paraissait fort à son aise. Le temps s'écoulait et le moment où jamais était venu pour Sir Hughes de manger ses côtelettes. « Faites-la sortir du vestibule, » dit-il à Archie. « Si elle résiste, envoyez chercher la police. Elle est venue ici pour m'arracher de l'argent par des menaces. Il n'eût été que je suis si pressé, je l'aurais fait conduire au poste sur le champ. » Sir Hughes entra dans la salle à manger et ferma la porte. « Au poste, » dit Sophie, d'un ton de dédain. « Qu'est-ce que c'est que cela ?»« Il veut dire en prison, » dit Boodle. « En prison ? » ?»« Vraiment, je sais bien qui mérite d'aller en prison. Est-il ministre d'État qu'il puisse ainsi me faire emprisonner ? Y a-t-il des lettres de cachet en Angleterre à présent ?»« Mais sérieusement, Madame Gordeloup, » dit Archie, « vous feriez mieux de vous en aller. Vous aussi, vous me dites de m'en aller ? Vous ai-je parlé de la sorte que vous êtes venu me voir ? Ne vous ai-je pas fait asseoir? Ai-je manqué de politesse? Ai-je envoyé chercher la police ou parler de prison? Non, il n'y a que les Anglais pour agir ainsi, rien que les Anglais. » Archie avait droit de lui rappeler qu'il lui avait fait visite dans des circonstances toutes différentes, qu'il lui avait porté de l'argent au lieu de lui en demander, en un mot, qu'il avait simplement voulu l'employer dans sa profession. Il allait entrer dans ses explications. Mais la présence du domestique de Boodle lui en fit comprendre l'inopportunité. Il s'arrêta brusquement et implora l'assistance de Boodle. « Peut-être, lui dit-il, voudrez-vous bien l'accompagner jusque dans la rue ?»« Qui, moi ?» dit Boodle, comme s'il reçut un choc électrique. « Seulement deux pas, » dit Archie. « Oui, capitaine Boodle, allons-nous-en, » dit Sophie. « C'est une mauvaise maison que celle-ci, et votre sœur Hughes ne me revient pas du tout. Me parler de prison. » Lui aussi sera bientôt en prison. Ce sera la prison de la tombe, je le sais. » Boodle eut un frémissement en entendant cette prédiction sinistre et songea de nouveau au yacht de Jack Stewart. « Je vous en prie, accompagnez-la, » dit Archie. « Mais j'étais venu pour assister à votre départ. Peu importe. Hughes est de si mauvaise humeur. Adieu, mon garçon, adieu. Je vous écrirai pour vous rendre compte de notre pêche. Adieu, Madame Gordeloup. » Il n'y avait pour Boodle aucun moyen d'échapper. Il prit son chapeau et se prépara à accompagner chez elle l'espionne russe, dont le caractère et la profession lui inspiraient de si étranges soupçons. Il fit ses adieux à son ami. « Ayez soin de vous, capitaine, » dit Sophie. « C'est bien, » dit Archie. « Et n'oubliez pas de venir me voir à votre retour. »« Je n'y manquerai pas, » dit Archie. « Et nous arrangerons votre affaire. C'est encore temps. Quand il y a temps à gagner, il ne faut pas se laisser rebuter par un premier refus. » Vous reviendrez avec votre gousset bien fourni, et nous nous occuperons de cette affaire. » Là-dessus, Sophie s'éloigna, appuyée sur le bras du capitaine Boodle, et Archie, debout sur le seuil, les suivit du regard jusqu'au moment où ils disparurent à l'angle de la place, puis il alla rejoindre son frère. Boodle et Sophie formaient un couple assez bien assorti, bien qu'elle eût peut-être sur lui l'avantage en fait de perspicacité, grâce à une plus longue expérience. Boodle se sentait presque fier de sa position, bien qu'il n'eût pas été fâché d'y échapper, si cela avait été possible. L'espionne était un personnage remarquable, et cette promenade avec elle serait un événement dont peut-être un jour il aimerait à se souvenir. En attendant, il ne lui dit pas grand-chose, et ne comprit guère ce qu'elle lui avait dit elle-même. Enfin, ils arrivèrent en face de la porte qu'il connaissait bien, et s'arrêta. Même alors, il ne put échapper à sa compagne, et les passants purent voir le capitaine Boodle s'avancer d'un pas hésitant dans les trois couloirs dont la porte venait de s'ouvrir. Sophie entra après lui et ferma la porte. Je ne saurais dire ce qui se passa durant cette entrevue. Nous pouvons là-dessus faire nos adieux à Boodle. Comment avez-vous fait la connaissance de cette femme ? Demanda Hughes à son frère quand celui-ci le rejoint dans la salle à manger. C'était une amie de Julie, répondit-il. Vous ne lui avez jamais donné d'argent ? Certainement non. Quelques instants après, ils montèrent dans une voiture de place qui les emmena avec leurs bagages, et pour quelque temps, nous pouvons leur dire aussi adieu.